الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. L'ensemble des louanges reviennent à Allah seul, qui nous couvre d'éloges et salue celui après qui il n'y a plus de prophète. Nous avons tenté, au cours des assises précédentes, d'aborder un certain nombre de principes de la religion négligés par certains malgré leur caractère élémentaire et capital. Et nous en étions arrivés à la conclusion et nous allons tenter d'aborder aujourd'hui la répercussion des paroles et prise de position des individus dont les agissements s'opposent aux principes que nous avons tenté d'exposer. Ces répercussions peuvent être désastreuses, de même que les maux engendrés par les dites paroles et prises de position peuvent être profonds. On peut aller jusqu'à constater que de telles interventions, à certaines occasions et dans une non moindre mesure, peuvent constituer autant de facteurs participant à ce que l'égarement et la déviance s'installent. Cela à cause de paroles fausses, inexactes, ambiguës ou approximatives que les dix individus peuvent en arriver à prononcer. Les causes favorisant l'apparition de paroles de ce genre sont multiples. On peut notamment citer parmi elles, premièrement, le manque de savoir et d'expérience de leurs auteurs, menant ces derniers à tenir de tels propos. Deuxièmement, leur manque de sagesse, les menant à soulever certains sujets à des moments inopportuns ou à en développer d'autres qui ne devraient être abordés que de manière sommaire ou encore en traitant certaines affaires sensibles de manière publique alors qu'elles ne devraient l'être que dans un cadre restreint. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, décédé en 32 de l'Hégire, disait: tu ne feras part à certaines gens d'aucun discours que leurs esprits ne peuvent atteindre sans que cela ne soit, pour certains d'entre eux, une source de confusion. Cette parole d'Ibn Mas'ud a été recueillie par Muslim dans l'introduction de son authentique. Le Cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, insiste souvent sur le fait que, premièrement, ce n'est pas tout ce qui est su qui doit être dit. Ce n'est pas tout ce qui est su qui doit être dit. Deuxièmement, chaque situation a un discours qui lui est propre et lui convient. Chaque situation a un discours qui lui est propre et lui convient. Troisièmement, chaque domaine possède ses experts et hommes de compétences. Troisième cause que nous pouvons citer parmi les causes favorisant l'apparition de paroles de ce genre, la précipitation. Ajoutons que le fait que les personnages dont les agissements sont visés se retrouvent parfois contraints de répondre à des objections d'opposants, voire de journalistes, aux démarches prétendument neutres, auxquelles ils ne s'étaient pas préparés. Cela a souvent pour conséquence la maladresse, l'intempestivité et l'approximation des éléments de réponse qu'ils apportent aux dites objections. Deuxièmement, de répondre aux faux d'une manière non conforme à la vérité, ce qui est d'ailleurs fermement condamné par les ulama de la sunna. Troisièmement, le fait que leurs propos donnent l'occasion aux opposants de s'attaquer à la vérité en utilisant les dites maladresses et autres paroles approximatives ou fausses, voire en sortant de leur contexte certaines paroles valables ou encore en les tronquant. Notons enfin que les différents points cités à travers ces quelques lignes pourraient être davantage développés, de même qu'ils pourraient être accompagnés de la mention d'autres points importants relatifs à ce sujet. Cependant, ce n'est pas l'exhaustivité qui a été visée ici, mais uniquement le fait d'attirer l'attention du lecteur vers certains principes, tout en l'incitant à chercher à les approfondir comme il se doit par le biais de sources authentiques, comme elles nous apprennent ce que nous ignorons et nous permettent de mettre en application ce qu'il nous a enseigné. Lui demandant de nous accorder la réussite afin de concrétiser ce qu'il aime et agrée, qu'Allah couvre d'éloges et salue notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons, et l'ensemble des louanges revient à Allah, le Seigneur souverain des mondes.